marcher tous les jours, il faut manger. Il faut courir tous les jours, il faut courir. Il faut gagner tous les jours, il faut gagner. Il faut subir tous les jours, il faut subir. Il faut manger tous les jours, il faut manger. Il faut gagner tous les jours, il faut gagner. On va crever tous un jour, on va crever. Je veux t'aimer tous les jours, je veux t'aimer. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il faut manger tous les jours, il faut manger. Il faut courir tous les jours, il faut courir. Il faut gagner tous les jours, il faut gagner. Mieux vaut en rire tous les jours, mieux vaut en rire. Il faut tenir tous les jours, il faut tenir. Je veux t'aimer tous les jours, je veux t'aimer. Je veux t'aimer tous les jours, je veux t'aimer. Je veux t'aimer tous les jours, je veux t'aimer.